Combien de tes potes t'ont dit à demain, mais tu les as jamais revus. Combien de tes potes t'ont dit à plus tard, mais sont jamais revenus. Serre-moi un verre de Jax, tu peux garder ton Perrier. On vit chaque jour comme un autre, mais si c'était le dernier, va t'en faire ce que t'as à faire, frère. Ne résiste pas, on remet toi demain. Mais si demain n'existait pas, la Play 1, la Play 2, la Play 3, la Play 4, Clio 1, Clio 2, Clio 3, Clio 4. La vie n'est qu'une suite, on court tous après ce qu'on a pas. Un plus gros gamos, une plus belle meuf, oui, oui, oui, oui. Un plus grand appart, on finira tous pareil. Pourquoi je ferai la star? On revient tous au même point, comme sur un circuit de NASCAR. Je me prends pas pour un exemple, me prends pas pour un modèle. Les trois quarts des artistes finiront seuls dans un motel. Quelques fautes sur le matelas, à se dire putain mec hein. Aujourd'hui je suis personne, y'a 40 ans j'étais quelqu'un. Vite ta vie, vite ta vie, vite ta vie. Alors vite ta vie, vite ta vie, vite ta vie. Alors vite ta vie, vite ta vie, vite ta vie. Jusqu'au jour J, l'important c'est pas demain, c'est aujourd'hui. Vite ta vie, vite ta vie, vite ta vie. Alors vite ta vie, vite ta vie, vite ta vie. Alors vite ta vie, vite ta vie. C'est pas compliqué, vite ta vie. Y'a que devant Dieu qu'il faudra s'expliquer. Ceux qui connaissent demain sont souvent ceux qui se suicident. On finit par prendre du ferme, aujourd'hui n'est qu'un sursis. La vie c'est comme un film trop long, pour d'autres un film trop court. Au final chaque acteur se dira qu'il était trop con. Tout va trop vite avant de marcher, déjà court. T'occupe pas de la vie des autres parce que la tienne est déjà courte. On court tous après les thunes, l'important c'est pas d'être riche ou d'être pauvre. C'est d'avoir vécu, qui est trop frais, qui est trop chim, qui est trop queux, qui est trop gros. Quand le temps te rattrapera, on verra si t'étais trop beau. La vie des autres en fera quoi, faut pas que je fasse ci ou ça. Faut que je sois comme ci ou ça, dans 60 ans qui se rappellera de toi. Tu passes ton temps à prendre la tête jusqu'au jour J. L'important c'est pas demain, c'est aujourd'hui. On va où, on va faire quoi, nos mères vieillissent. Et à leur mort on se dira tous, putain j'aurais dû être là. Vite ta vie, vite ta vie, vite ta vie. Alors vite ta vie, vite ta vie, vite ta vie. Alors vite ta vie, vite ta vie, vite ta vie. Jusqu'au jour J, l'important c'est pas demain, c'est aujourd'hui. Vite ta vie, vite ta vie, vite ta vie. Alors vite ta vie, vite ta vie, vite ta vie. Alors vite ta vie, vite ta vie. C'est pas compliqué, vite ta vie. Y'a que devant Dieu qu'il faudra s'expliquer. Après ce son, est-ce que demain t'en feras plus? Les photos, ça sert à se rappeler ce que l'on ne sera plus. Pour faire la morale, je suis mal placé. Mais chic, c'est juste des souvenirs dans une boîte qui te rappelle une vie que t'as mal passée. Que t'es 40, 30, 20 piges ou 16 ans, t'auras peut-être pas de futur, alors vis l'instant présent. Vis ta vie, vis ta vie, c'est pas compliqué. Y'a que devant Dieu qu'il faudra s'expliquer. Vis ta vie, vis ta vie, vis ta vie. Alors vis ta vie, vis ta vie, vis ta vie. Alors vis ta vie, vis ta vie, vis ta vie. Jusqu'au jour J, l'important c'est pas demain, c'est aujourd'hui. Vis ta vie, vis ta vie, vis ta vie. Alors vite ta vie, vite ta vie, vite ta vie. Alors vite ta vie, vite ta vie. C'est pas compliqué, vite ta vie. Y'a que devant Dieu qu'il faudra t'expliquer.